Elle impressionne beaucoup de monde à la télévision grâce à ses commentaires. Moi, je suis pas surpris, ça fait longtemps que je la connais. Fait que j'avais dit que Marianne Saint-Gelais, elle est faite pour la télévision. Et là, c'est dans ses premières années comme analyste à la télévision en patinage de vitesse sur courte piste. On lui parle de savoir comment elle trouve son expérience. Salut Marie. Salut! Hey Marianne, comment tu trouves ça? Écoute, c'est la première fois que tu es analyste à la télévision. Écoute, moi, je te l'ai dit, tu étais faite pour ça, c'est ton poste. Tu dois aimer ça, on te voit. Moi, je t'ai pogné une couple de fois. C'est vrai que les Olympiques, cette année, ça me dit rien. À cause des heures, à cause que t'es pas là. Fait que déjà là, ton sport en étant pas là, ben, ça me tente moins. Fait que comment tu trouves ça? Ben moi, j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis honnêtement, je le voulais un peu, là, tu sais, c'est rare que je veux quelque chose, tu sais, puis que je travaille pour le faire, là, mais tu Ouais. sais, d'analyste, j'avais vraiment envie de l'essayer, là. Puis je trouvais aussi que j'étais vraiment comme bien positionnée dans le sens que j'étais encore dans le sport parce que, bon, j'entraîne, fait que je le vois au quotidien. Puis, ben, tu sais, je suis assez détachée aussi, fait que je suis capable de parler des gens puis d'être impliquée parce que finalement, ben, j'ai plus envie d'être sur la glace, ça, c'est clair. Mais je connais encore vraiment bien mon sport. Fait que c'était un peu de trouver le pouls justement avec Jean-Patrick, celui avec qui je travaillais. C'est de trouver le pouls de qui dit quoi, comment on travaille ensemble. Mais du moment où ça s'est fait dès la première fois, là, ça fonctionne vraiment bien. Aimes-tu mieux ça que t'aurais pensé? Bien, en fait, je n'avais pas nécessairement d'attente, là. Tu OK. sais, j'avais envie de le faire parce que je pense vraiment que c'est le genre de truc qui me tente, là. C'est-à-dire que, tu sais, c'est sur le coup, on commande qu'est-ce qu'on voit. Fait que, tu sais, je m'attendais en fait à ce que c'était. Tu sais, j'avais pas OK. d'autres appréhensions que le fait que je savais un peu ça allait être quoi la job, entre Puis là, tu parenthèses, es là. à Montréal, tu es devant une TV 42 pouces. Il faut que les gens Ouais. pensent que c'est ça, là. Tu n'es pas sur place. Donc, c'est encore un autre pattern. Là, être sur place, probablement que ça n'aurait pas été en Chine, ils t'auraient envoyé sur place. Ça aurait été une autre histoire, là. Ouais. Donc, ça doit être. T'aimes ça, mais t'aimes encore plus ça. Tous ceux-là qui font la job le disent, on est sur place, c'est complètement différent, là. Ben oui, puis tu sais, justement, Jean-Patrick, celui avec qui je travaillais, lui, il est habitué de justement couvrir les événements sur place. Fait que c'est vraiment pas la même dynamique, là, semblerait, d'être sur Ah place live, de voir les choses alors que là, on le regardait d'une télé, là. non. Moi, pour être bien honnête, j'étais pas déçue de rester ici, là. La Chine, je l'ai Non. faite. Puis, ça me dérange pas partout en tant que COVID de rester à Montréal. Mais c'est sûr que côté dynamique, je pense, puis d'être vraiment plus dedans, là, puis être le live, là, c'est sûr que ça ne doit pas se comparer, là. À Turin, ça va être pas mal plus tentant d'y aller, là. Ça va être un pays plus Ben, normal, puis à beaucoup plus voir. normal, puis ça va être. Ben, on se croise les doigts, on espère qu'on va être sorti de ce COVID-là d'ici 4 ans. Ah, les autres pays sont sortis, c'est nous autres qui ne voulons pas sortir. Ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est ça. Mais si on parlait des. Il y a un décalage. Donc, toi, là, as-tu le temps de réagir quand même? Il y a un décalage entre ce que tu vois, puis que la télévision, il y a un 5 à 10 secondes à peu près. Donc, ça te donne-tu un jeu pour réagir davantage? Bien, nous autres, en fait, il n'y avait pas de décalage avec ce qu'on OK. voyait. Tu sais, peut-être OK. qu'on est décalé, nous autres, à la télé. Oui. Mais nous, on voyait vraiment l'action live, là. Fait que c'était vraiment les images qui étaient là, là. Fait que on était autant sur le web qu'on était sur la télé. Fait que c'était vraiment, nous, dans le fond, ce qu'on nous filait dans les oreilles, là, c'était ça, là. C'était OK, on est en onde maintenant. Puis, fait Tu as beaucoup que de pratique nous, avant de commencer? en fait, non. C'est ça qui est Non, très drôle. parce que normalement, tu devrais avoir des pratiques un peu. Ah Tu ouais. ouais. Ben, on était un peu nerveux, honnêtement, au début, parce que dans le fond, moi, j'ai auditionné là, pour ça en juin dernier. Là, fait que ça fait un petit bout là, que j'ai fait mon audition. Finalement, bon, je l'ai eu, fait que c'est moi qui allais être là. Fait qu'on pensait justement à l'automne avoir des préparatifs, puis justement peut-être voir les Coupes du Monde, puis essayer des Ah commenter ouais. pour donner un peu de millage, mais finalement, non, parce que bon, on n'avait pas les droits pour Ouais. cette Excuse compétition-là. Marianne, on n'est pas dans un studio de TV, Non, il n'y a pas de problème. Je mon connais chien ça, moi jappe. aussi, Excusez-moi, on n'est Julien. pas dans un studio de TV, puis mon chien jappe. C'est de la TV en direct. Donc, voilà, continue. Fait quoi? Fait qu'on n'a pas eu de pratique, mais tu sais-tu quoi? Jean-Patrick, on se connaissait parce que, bon, ça a été un journaliste, fait que je l'ai côtoyé pendant quelques années. Puis après ça, ben, on s'est comme un peu donné la première journée pour s'ajuster, puis ça a bien fait. Là, les championnats du monde s'en viennent après. Normalement, c'est présenté à la télévision. Ben, sur le web, peut-être pas, c'est pas présenté à la télé, mais sur le web, est-ce que tu vas être là aussi? Ben pour l'instant, ce n'est pas dans les plans. OK. Tu J'ai fais pas les tout planifié. Olympiques, puis c'est terminé après ça. OK. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est que c'est encore une question de droit. Pour que Ouais. Radio-Canada puisse diffuser, ben, ça prend les droits. Puis je pense que pour l'instant, on n'est pas encore. La OK, parce question que n'a pas été CBC encore. le présente, fait Oui. que je sais pas. Bon, À on va y aller du côté compétition. Moi, je veux pas suivre ça du tout. Je vais être bien honnête avec toi. Ce que j'entends là, dans les branches, c'est Kim Boutin a gagné une médaille de bronze. C'est quand même bon, ça. Veut dire, c'est un bon résultat. C'est-tu selon les attentes ou Ben écoute, moi, je ne suis pas au parfum des attentes puis Ouais. de ce que l'organisation voulait, là, parce que je me tiens loin de ça, là. Mais c'est De ce que tu surtout très entends, là. bon. De ce que tu entends des spécialistes, est-ce que c'est pas mal c'est pas mal J'ai même pas dans. écouté. J'ai même pas écouté ce OK, que les OK. spécialistes avaient à dire. Moi, OK. j'ai pas besoin de cette information-là, là. Mais pour Kim, c'est super, là, parce que je veux dire, Kim avait tellement eu une expérience. Tu sais, je veux dire, c'était des montagnes russes parce qu'elle était contente parce qu'elle gagnait des médailles, mais en bout de ligne, elle avait peur pour sa vie. Fait que c'était pas nécessairement des circonstances qui étaient plaisantes. Fait Top, sa qu'elle se vie. présentait à ces jeux-là, justement, avec l'idée de vivre une belle expérience OK, olympique. Fait que OK. la médaille, elle a fait du bien sur une distance qui, justement, avait causé tout ce grabuge-là 4 ans plus tôt. Fait que je pense que c'était mission accomplie du moment où Kim est montée sur le podium OK. aux 500 mètres, là. Bon, du côté des. Est-ce que c'est décevant du côté des femmes? Tu me disais avant d'entrer en onde. Non, pas nécessairement parce que c'est une équipe très, très jeune. Donc, on vise Turin, j'imagine, pour performer. C'était plus aller prendre l'expérience, quoi. Ben en fait, tu sais, oui, c'est sûr que si on se fie côté résultat, on a tous tendance à dire que c'est décevant parce que, bon, on a, oui, la médaille de Kim, on a les deux médailles de Steven côté masculin, puis on a, bon, la médaille d'or du relais masculin. Fait que c'est sûr qu'on est déçu parce que, bon, c'est une médaille de moins qu'on a fait aujourd'hui qu'à Pyeongchang. Mais il faut pas oublier que l'équipe est jeune. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai vu dans les courses, c'est qu'on a eu beaucoup de chutes. Fait qu'il y a il y a parfois des athlètes qui n'ont même pas eu le temps de montrer qu'est-ce qu'il y avait dans le corps. On a eu des disqualifications, mais ça fait partie de l'apprentissage. Fait que moi, j'ai pas vu, je ne suis pas déçue de ce que j'ai vu parce que moi, je vois qu'il y a du potentiel, puis il y a justement, ça va tellement être bon pour dans 4 ans, tu sais. Mais si on se fie au résultat, ben oui, ça peut être décevant parce que, bon, ben oui, on a raté des opportunités de Mais ça dépend médailles. toujours. Si c'est une équipe jeune, c'est pas pareil. Mais Là. Ça dépend exactement, de tu sais. l'expérience. Ça dépend toujours des attentes. Si c'est une équipe jeune, il Ben faut y oui, aller mais avec je. l'expérience. Est-ce que le sport s'est amélioré au fil des années? Parce que dans ton temps, c'était les Chinois, les Sud-Coréennes qui étaient forts, les Américaines aussi. Et il y avait une Française aussi à l'époque. Est-ce que tu vois de plus en plus de pays s'améliorer? Puis le sport est encore meilleur que dans ton temps? Les Ben, ça athlètes? vient par vague, en fait. Ouais. C'est vrai que bon, les Asiatiques sont beaucoup moins dominants qu'ils Ouais. l'étaient dans le passé. Hey. Il y avait comment qu'elle s'appelait? Minwang, Ching Wang? Mémoire, Minwang, oui. ouais. Minwang était Ben forte, oui, elle était c'est dominante. vrai. Ouais. Il y a moins de. C'est vrai que c'est moins. Ils sont moins. Ben, c'est ça, dominantes que dans le temps. Mais OK. on a encore des super adversaires, là, tu Ouais. sais. Ça va par vague. En ce moment, c'est beaucoup l'Europe, je te dirais, là, qui a la cote, là, tu sais, avec les Pays-Bas qui sont vraiment, vraiment bons, autant masculin que féminin. Ouais. La Hongrie aussi qui a poussé beaucoup, beaucoup dans les dernières années. Tu sais, il y a vraiment des pays, c'est ça. C'est vraiment de la montagne russe. Puis nous, ben, le Canada, ben, on reste pas mal là. Tu sais, Hey, on OK. s'améliore, c'est sûr, parce que bon, on fait des records du monde. Ouais. On est capable toujours de rivaliser contre les meilleurs pays au monde. C'est sûr qu'on s'améliore, mais j'ai l'impression que c'est ça. Il y a des poussées qui sont un petit peu plus fortes à côté de nous autres. T'sais. OK. Donc, je pense que c'est vendredi. Il te reste une course, je pense, à commenter. C'est pas fini C'est encore. terminé, ça s'est terminé Terminé? aujourd'hui. Donc, ça t'a-tu. T'étais-tu nostalgique? T'étais-tu. Dernière course, t'as dit non, my God, c'est fini. C'est ça que tu t'es dit? Ah ben, je suis pas dans l'émotion de la nostalgie, puis je suis pas non plus dans l'émotion OK. de bon, mission, tu sais, c'est Ah, mission fini. accomplie, OK. Ouais, Mais non, je suis tu dois plus être comme. contente. Tu dois être contente de toi. Bravo, en tout Ben, j'ai pas Moi, ce réflexe-là de me de ce taper que dans le j'ai dos, vu, là. t'étais très, très bonne, en tout cas. Ben, Je suis c'est une vraiment pas belle surpris. expérience. Oui. C'est une belle expérience, puis je suis super reconnaissante, en fait, de l'avoir faite, là. C'est une belle corde que j'ajoute encore une fois à mon arc. Là, t'es pas invité d'honneur d'un gros dîner, d'une grosse activité bientôt dans la région ici? Ben, en fait, je vais faire. C'est en septembre, je me souviens Ah, bien. OK, C'est c'est en le Tour du septembre. Lac-Saint-Jean en vélo qu'on va OK, faire. OK. Oui. une fondation qui m'a approché pour faire ça, en fait. Fait que, ouais, je vais être dans la région en septembre. Ah, ben, bien avant ça, mais tu vas venir incognito. Ben oui, c'est certain. OK. Ben, Marianne, bon 31e anniversaire. Je vais avoir 32. 32e. Je vais avoir 32 demain. T'es dans le bel âge. T'es juste dans le bel âge. T'es même pas comme un vieux bonhomme comme moi. Fait que... Ça s'en vient, par exemple. Mais 32 ans, c'est un bel âge. La maturité avec le body de 20 ans, il n'y a rien de mieux que ça. Pas le faire, D'autres, t'auras pas de la rouille qui commence à sortir comme moi. Ça va venir. Marianne, on s'en reparle bientôt. Certainement, bye-bye. Marianne Saint-Jacques est analyste à Radio-Canada pour les Jeux olympiques de Beijing. Merci, Marie. Merci, c'est beau, salut. Salut.